C'est une alliance qui s'est nouée il y a des centaines de millions d'années entre des géants immobiles et des êtres microscopiques, un pacte secret qui unit pour la vie les arbres aux champignons. Difficile à imaginer lorsque l'on se promène en forêt, mais aussi imposant et majestueux que soient les arbres, la plupart d'entre eux ne survivraient pas sans le cortège de champignons qui les accompagnent et étendent discrètement leur réseau de filaments autour de leurs racines. Les scientifiques commencent à peine à entrevoir la complexité des alliances salvatrices et des conflits féroces qui se trament à l'abri de nos regards dans le sous-sol. Ces interactions entre les arbres et les champignons sont au cœur des recherches du microbiologiste Francis Martin, responsable du laboratoire d'excellence Arbre à l'INRAE de Nancy. Dans un livre passionnant intitulé « Sous la forêt » paru aux éditions Humaine Science, il raconte les dernières découvertes dans ce domaine. Cet après-midi, il nous emmène sur les chemins forestiers des Vosges à la Chine, en passant par l'île de la Réunion, pour nous dire ce qu'il a compris de ce pacte encore très mystérieux qui, partout sur Terre, unit les arbres et les champignons. Et en fin d'émission, nous partirons sur la piste des mammouths avec le paléogénéticien Régis De Bruyne. France Inter. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Ah, il faut d'abord dire qu'il n'y aurait pas de plantes s'il n'y avait pas de champignons. Les champignons sont antérieurs à la présence des plantes, pas seulement les arbres. Donc, dans l'histoire de la Terre, les continents ont d'abord été habités par des champignons. Et c'est ça qui a permis, secondairement, aux plantes de s'installer sur les continents. Mais dans les plantes terrestres, il n'y a pas le choix. C'est avec des champignons ou bien ça ne marche pas. Les mots de Francis Allais, biologiste spécialiste des arbres, pour ouvrir la discussion avec vous. Francis Martin, bonjour. Bonjour Daniel. On le comprend hein, en écoutant Francis Allais. Au commencement étaient les champignons. Hein. Ils ne sont pas anecdotiques, ils sont là dès le début et c'est grâce à eux que tout commence. On pense qu'ils sont arrivés probablement il y a 1 milliard d'années. Ouais. Il y a un article qui vient de sortir, là, il y a 3-4 semaines, où les collègues canadiens ont découvert de nouveaux fossiles qui ressemblent fort à des filaments de champignons. Et ces fossiles ont 1 milliard et 200 millions d'années. Donc les champignons étaient présents dans les océans, étaient présents sur Terre, bien avant les plantes qui ont colonisé les continents il y a 500 millions d'années. Donc oui, ils étaient là quand les plantes sont arrivées. Et est-ce qu'ils ont joué un rôle dans l'installation de ces plantes sur les continents? Ils ont préparé le terrain? Bien entendu, vous parlez à un symbiologiste, à quelqu'un qui travaille sur ces symbioses depuis très longtemps. Nous sommes totalement convaincus que sans ces alliances entre plantes et champignons, les plantes n'auraient pas pu coloniser les continents. Il faut bien se faire une image de ce qu'étaient les continents à l'époque. Ouais. Je pense que ça ressemblait beaucoup à l'Islande après une explosion volcanique, quasiment pas de sol tel qu'on les connaît aujourd'hui, des sols extrêmement pauvres, extrêmement fins. Et donc les premières plantes qui ont colonisé ces territoires, ces continents, quand je dis plantes, c'était probablement des petites plantes de quelques centimètres de hauteur, sans feuilles, sans racines, qui rampaient sur ces territoires extrêmement ingrats. Enfin, qui rampaient, elles étaient immobiles, mais elles... Voilà, je les imagine comme des petits serpents, là. Ah, ouais. Alors, en tout cas, oui, des tiges qui touchaient le sol, et quasiment pas d'éléments nutritifs, donc leur capacité à croître était très limitée. Et c'est grâce à cette interaction avec les champignons qui préexistaient sur le sol, que des alliances se sont tressées entre ces plantes primitives et les filaments microscopiques de ces champignons, et c'était les filaments de ces champignons qui jouaient le rôle de racines et qui ont permis à ces plantes de se développer. Et dans cette histoire, alors quand apparaissent les arbres ? Alors, ce que je viens de décrire, c'était probablement il y a 450 millions, 480 millions d'années, quand les premières plantes ont atterri, colonisé les continents. Ouais. Les forêts, faut attendre probablement 300 millions d'années, moins 300 millions d'années. Ouais. Alors les forêts de l'époque ressemblaient beaucoup, vous savez les prêles qu'on trouve encore aujourd'hui dans nos jardins, ils appartiennent au groupe des lycopsides. Eh bien il faut imaginer que ces prêles, elles faisaient 20 ou 30 mètres de haut. Des prêles géantes. Des prêles géantes, donc les forêts d'il y a 300 millions d'années devaient ressembler à ces forêts de prêles géantes. Ouais. Qui sont pourtant des herbes, alors c'est-à-dire qu'on a commencé par des herbes géantes et ensuite le bois... Oui c'est ça, le bois serait apparu, ou l'équivalent du bois probablement il y a 250 millions d'années, et les forêts comme on on les connaît aujourd'hui, avec des conifères, avec 200 millions d'années. Les premiers pins seraient apparus il y a 180 millions d'années. Alors il y a quand même un malentendu hein, au sujet de ces champignons, parce que dès qu'on parle de champignons, on imagine le pied, le petit chapeau, ces êtres que l'on croise en forêt, que certains vont ramasser. Mais en fait, les champignons, ça va bien au-delà de cette représentation du pied et du chapeau. Oui, c'est ça. C'est en fait ce qu'on récolte à l'automne. Il y a à peu près 20 000 espèces de champignons qui sont capables de produire ces fructifications. Et c'est donc l'organe sexuel d'un réseau de filaments qui prospecte le sol, qui occupe le sol. 99% de la masse d'un champignon, c'est invisible. C'est dans le sol, dans la litière, dans les feuilles mortes, dans les branches mortes. Ça colonise le sol de la forêt. Et c'est seulement à l'automne, quand les conditions climatiques, micro-climatiques sont remplies, suffisamment d'eau, bonne température, souvent un stress, sur ce réseau de filaments souterrains, va se former un embryon de quelques millimètres, et c'est cet embryon qui va donner pour, encore une fois, uniquement 20 000 à 30 000 espèces, qu'on appelle les macromycètes, capables de faire, des champignons capables de faire des macrostructures. Le pied va s'élever, former un parasol, et c'est sous la protection du chapeau, sur les lamelles, que va se dérouler le processus sexuel, formation des spores qui vont assurer la dissémination du patrimoine génétique. C'est l'organe reproducteur, en fait, c'est le champignon que l'on cueille. Moi, je dis tout souvent, c'est l'équivalent des pommes sur un pommier, mais le pommier, dans ce cas-là, il est invisible, il est sous terre. Et il est invisible, mais il prend beaucoup de place. Hein. On apprend, en lisant votre livre intitulé « Sous la forêt », que le plus grand organisme vivant sur notre planète, c'est un champignon. Oui, qui aurait 2500 ans et qui donc croît dans le sol, le sous-sol d'une forêt de l'Oregon depuis 2500 ans et qui fait l'équivalent de plusieurs stades de football. 1000 tonnes, il pourrait atteindre 1000 tonnes, ouais. ce champignon. Il est là depuis milliers d'années. 2500 ans, oui, dans l'Oregon. En France, j'ai eu l'occasion d'étudier des individus, donc des colonies. Il faut imaginer ce mycélium croître année après année dans le sous-sol. Donc ce réseau de filaments qui croît à peu près de 50 cm à 1 mètre par an pour les plus performants. J'ai rencontré des bolets jaunes qui avaient 300 ou 400 ans. Donc c'est très impressionnant d'avoir entre les mains la fructification d'un réseau souterrain qui est présent dans la forêt qu'on observe et qu'on parcourt depuis 300 ou 400 ans. Ouais. Ça, c'est dans les Vosges. Ce sont des études que vous avez faites vous-même. Du côté d'Aubure, là, sur le versant alsacien, on peut trouver ce type de champignons. Alors, il y a trois grandes sortes de champignons. J'aime bien la façon dont vous en parlez dans votre ouvrage. Vous dites qu'il y a le bon, la brute et le truand. Expliquez-nous cela. Alors, évidemment, les scientifiques, ils aiment bien mettre dans les catégories. Ouais. Donc, le bon, ce sont ces champignons symbiotiques qui aident les plantes à croître, qui interagissent depuis 450 millions d'années avec les plantes, 200 millions d'années avec les arbres. Ils ont tressé un dialogue avec eux, il y a des échanges complexes, à la fois de nutriments et puis d'informations. Ils sont capables de promouvoir la croissance des plantes, donc ils sont bénéfiques, on les appelle les bons. Et puis, il y a les méchants. Ce sont les parasites, les pathogènes. Eux, ils n'ont pas envie de dialoguer avec la plante. Ils atterrissent sur les feuilles ou ils colonisent les racines. Ils émettent un certain nombre de toxines. Ils tuent les cellules et ils mangent l'arbre vivant ou la plante vivante. Là, ce sont des parasites. Ça, c'est les truands. Quoi. Ouais. Ce sont des parasites, des pathogènes. Et puis, il y a quasiment la moitié des champignons qu'on va rencontrer en forêt qui sont capables de vivre uniquement à partir de la matière morte, la matière organique, la matière végétale et animale morte sur le sol. Moi, je les appelle également les fossoyeurs, c'est-à-dire c'est une image qui traduit bien cette capacité de dégrader, de recycler, de décomposer la matière organique du sol forestier ou d'ailleurs de tous les écosystèmes terrestres. Donc là, ceux-là, c'est... Voilà, ils sont bien sympathiques, mais ils n'ont pas été capables, suffisamment intelligents pour dialoguer avec les plantes. Ce sont des décomposeurs. C'est la brute, dans le sens où elle casse ce qui reste des arbres morts, En fait, c'est un peu péjoratif, parce que ces champignons, ce sont les premiers êtres vivants qui ont inventé, il y a probablement 280 millions à 300 millions d'années, l'enzyme capable de découper le bois. Alors ça, ce sont les décomposeurs, on le comprend, ils sont indispensables. Et puis, pour les premiers, les bons, ceux qui assurent la symbiose, c'est-à-dire une sorte de marché équitable qu'ils passent avec les arbres, vous donnez des exemples. Le pin noir que l'on trouve dans les forêts de l'ouest de la Lorraine, ce pin noir se trouve sur un sol très calcaire. Normalement, il ne devrait pas réussir à pousser, pourtant on y voit des très belles forêts de pin noir. Il y a un champignon là-dessous. Voilà, c'est ça. Le pin noir est une espèce dite calcifuge. C'est-à-dire qu'en conditions normales, quand cet arbre n'est pas associé aux champignons, il n'irait jamais pousser sur des terrains calcaires comme ceux qu'on rencontre dans la région Lorraine, les plateaux calcaires autour de Nancy, par exemple. Et par contre, quand on s'y promène, on rencontre ces pins noirs. Et en fait, un collègue de l'INRA de Nancy a montré il y a maintenant près de 50 ans, 40 ans, que cette capacité du pin noir à vivre sur les sols calcaires, malgré son caractère calcifuge, il devrait fuir ces sols, c'est grâce à cette association avec les champignons qui sert un peu de barrière, de tampon entre le calcaire, le calcium, les conditions nutritionnelles qui se trouvent sur ces plateaux calcaires et puis l'arbre. Est-ce que tous les arbres vivent en symbiose avec des champignons? On a une idée du pourcentage d'arbres qui ne peuvent pas se passer de champignons pour vivre? Je pense que 99% des arbres sont en association avec des champignons. Ouais. À ce point. C'est la règle. C'est l'exception de ne pas être associé à un champignon. En ce qui concerne les plantes, on connaît plusieurs, à peu près 10% des plantes qui n'ont pas besoin de contracter cette alliance avec les champignons du sol. On a en particulier les brassicacées, donc les choux, les arabettes, qui souvent ont un système racinaire extrêmement développé. Mmh. Donc ils ont compensé l'absence de la symbiose par un hyper développement du système racinaire qui leur permet d'accéder aux éléments nutritifs du sol. Mmh. Faut vraiment bien garder à l'esprit que cette interaction, son rôle essentiel, c'est un rôle trophique. C'est nourrir la plante, absorber les éléments nutritifs comme l'azote, le phosphate ou le potassium qui sont en concentration très faible dans les sols forestiers ou dans la plupart des sols. Et c'est grâce à ce réseau extrêmement dense, extrêmement important que la plante peut se nourrir. C'est grâce à ce réseau de mycélium. Nous partons pour une balade dans les forêts du monde cet après-midi avec vous, Francis Martin, à la découverte des liens qui se nouent dans la plus grande discrétion entre les arbres et les champignons. Il y aura entre autres au menu de notre discussion, des cèpes et même quelques truffes dans un instant. Allez, Chichou, allez, cherche la truffe. En voilà une. En effet, la truffe noire apparaît. Vous la prenez dans vos mains. Ah, elle sent beaucoup. Ça sent vraiment très bon. Hein. Ah oui. Mais on est très loin d'un chêne truffier. Là. On est à 3 mètres, près de 5 mètres d'un chêne ici. Même 6 mètres. Oui. Ils vont jusqu'à 10-15 mètres faire la truffe, surtout quand c'est des vieux arbres, comme ça. Les racines, elles ont prolongé le terrain. Nous n'irons plus au bois, mamie, les lauriers sont coupés. La belle que voilà, mamie viendra les ramasser. Guérions-nous sur la neige, pister le loup, le maître mort. Guérions-nous sur la neige alors que grand-mère s'endort. Les lauriers sont coupés, mamie, il est l'heure de rentrer. Le brouillard s'est levé, déjà il noie les grands moulins. Guérions-nous faire amour seul sur le grand chemin. Sabbat au délit, le bouc solitaire alors devenait notre ami. Nous n'irons plus au bois, l'animal est parti. Nous n'irons plus pêcher dans le ruisseau des grands moulins. Nous n'irons plus nous cueillir en narcisse dans le matin. Nous n'irons plus aux marches d'or du péché. C'était Les Ronces avec Jean-Louis Murat. Les cave des champignons. Les champignons, les champignons. France Inter. Qui cave, les champignons, les champignons. Du vent dans les synapses. Voilà, ça c'est un très beau cèpe. Voilà, tout neuf, comme on dit. Alors, quand on le ramasse, il faut le dégager au maximum parce que souvent le pied va assez loin dans le sol. Et on peut avoir souvent le sentiment d'un cèpe avec un petit pied. Et on s'aperçoit qu'on sort souvent des monstres. Parce que... Voilà, il est vraiment un très beau celui-là. Il s'agit de quelle espèce ? Alors, ça, c'est le cèpe de Bordeaux, typique. Et on voit la petite. Ligne blanche, comme ça, qui contourne tout le cèpe. Aujourd'hui, on ne peut pas encore cultiver les cèpes parce qu'on ne connaît pas bien la relation entre l'arbre. On la connaît techniquement, mais on ne sait pas la reproduire de manière artificielle. On sait pour la truffe, on le sait pour le champignon de Paris, mais pour les bolets, Dieu merci, on ne sait pas encore. Et oui, on est loin de tout savoir sur les liens qui unissent les bolets aux arbres. Invité du vent dans les synapses aujourd'hui, Francis Martin, auteur de Sous la forêt aux éditions Humaine Science. Il s'intéresse aux interactions entre les champignons et les arbres. Et on l'entendait, hein, il y a encore beaucoup de mystères sur cette relation, Francis Martin. On en avait un exemple là. On connaît toujours pas les mécanismes biologiques qui déclenchent la fructification. Donc on a dit tout à l'heure qu'on avait un réseau mycélien de filaments, un feutrage mycélien qui parcourt le sol, qui représente l'essentiel de la masse du champignon. Et puis, à un moment donné, à l'automne, souvent après une nuit en dessous de 9 degrés, un stress froid, si les conditions d'humidité sont là, à ce moment-là, le processus de fructification, l'embryon qui va donner naissance au cèpe qu'on récolte, va prendre naissance et se développer très rapidement en quelques jours. Et ça, on est aujourd'hui incapable de comprendre les mécanismes physiologiques, les mécanismes moléculaires, à la fois qui déclenchent le processus et qui accompagnent ce processus de fabrication en quelques jours d'une structure sexuelle qui va, on l'a vu, propager des spores. Donc, c'est-à-dire qu'on ne sait pas cultiver des cèpes aujourd'hui, des cèpes et des bolets, hein, c'est alors, la réponse est plus complexe. En fait, vous m'auriez posé la question il y a un an, j'aurais dit non, on ne sait pas. En particulier le cèpe de Bordeaux. À ma connaissance, personne ne sait cultiver le cèpe de Bordeaux ou provoquer en pépinière forestière ou en plantation forestière, comme on le fait avec la truffe, provoquer la symbiose entre les racines et le champignon. Et au bout de quelques années, une fois sur deux, dans la truffière, on récoltera des truffes. On aimerait faire la même chose avec le bolet. Jusqu'à présent, on a été incapable de le faire. Et puis récemment, des collègues chinois de l'université de Kunming dans le Yunnan m'ont montré la production de cèpe, ou l'équivalent chinois du cèpe. C'est un cèpe du Yunnan. Et qui est capable d'être produit en pot. Ah. Donc là, en l'absence, pour une bonne partie de la vie de ces champignons, en l'absence d'arbre. De la plante, de l'arbre, donc en absence de symbiose. Donc je ne comprends pas encore bien comment le processus se fait, mais les Chinois ont un brevet, évidemment, et commencent à lancer la production de cèpes chinois, très proche du cèpe de Bordeaux en termes de goût. Mais là, le mystère s'épaissit tout de même, parce que on vient d'expliquer dans la première partie de cette émission qu'il y avait une symbiose entre ces champignons et les arbres, c'est-à-dire que les arbres apportent du sucre via la photosynthèse aux champignons, les champignons puisent les minéraux du sol et les apportent aux arbres. Et là, tout d'un coup, vous nous dites, mais finalement, les champignons peuvent aussi se débrouiller tout seuls. Pour une partie de la vie. Alors, on est en train de séquencer le génome de ce champignon pour comprendre pourquoi il est capable de se nourrir sans la plante une partie de sa vie. Et effectivement, contrairement à la grande majorité des champignons symbiotiques, il a conservé quelques enzymes pour dégrader la matière organique. Parce qu'évidemment, pourquoi ces champignons symbiotiques sont si liés aux plantes ? Eh bien, c'est parce qu'au cours de l'évolution, au cours des 200 millions d'années qui viennent de s'écouler, ils ont perdu leur arsenal enzymatique responsable de la décomposition de la matière organique, comme le font les décomposeurs. Et on a démontré que, en fait, les champignons symbiotiques que l'on connaît aujourd'hui, les cèpes, les chanterelles, les truffes, dérivent des champignons décomposeurs de la forêt. En fait, ces champignons symbiotiques, ils sont cousins des champignons décomposeurs. Mais... En fait, ils ont coévolué avec les arbres et ils ont perdu certaines caractéristiques. On a démontré, en particulier chez la truffe, que les gènes qui étaient impliqués dans la décomposition de la matière organique, que leurs ancêtres décomposeurs avaient, ces gènes ont muté. Ils ne sont plus utilisés puisque la plante leur fournit des sucres. Et à ce moment-là, comme tous les gènes qui sont peu utilisés, ils se transforment en pseudogènes. Et un jour, il y a tellement de mutations accumulées dans ces gènes qu'ils ne fonctionnent plus. Et donc, ce cèpe chinois a conservé quelques-uns de ses gènes actifs. Donc probablement qu'au moment où la fructification se déclenche, il utilise ces quelques enzymes pour aller se nourrir au détriment du sol et il laisse tomber son partenaire végétal. C'est toujours pareil, hein, la nature se joue des classifications des humains qui voudraient ranger dans des petites boîtes et puis tout ça n'est pas si étanche que ça au final. J'ai toujours, c'est un continuum. Ouais. Alors il y a les truffes. Les truffes, on comprend mieux avec quels arbres elles interagissent et comment elles interagissent. On arrive aujourd'hui à cultiver des truffes. 80% de la production de truffes noires du Périgord et de la truffe de Bourgogne en France, en Italie et en Espagne provient de plantations, donc de vergers à truffes. Mmh. Donc là, il faut aussi bien fixer les idées. C'est-à-dire qu'en fait, le pépiniériste, il est capable de jouer le rôle d'entremetteur. C'est-à-dire qu'on prend un champignon, le mycélium de la truffe, on le met sur la surface au contact des jeunes radicelles de la plante. Alors cette plante, ça peut être un noisetier, ça peut être un chêne, quand on a affaire à la truffe nord du Périgord. Et très rapidement, le contact se fait entre les deux partenaires, l'alliance se tresse, la symbiose se forme. Et puis, quand tout se passe bien, 90 à 95% des radicelles, des petites racines de la plante, du noisetier ou du chêne, vont être mycorhizés. Ils ont cette symbiose. Et puis on plante ces arbres, et si on les entretient correctement, comme dans un verger, il faut tailler les arbres, si possible il faut les irriguer. Au bout de 4 ans, de 6 ans ou de 8 ans, ce réseau mycélien associé aux jeunes arbres va produire des truffes. Donc ça on sait le faire. Et ça représente l'essentiel de la production maintenant en France. Et nos amis espagnols ont complètement, ils ont bénéficié d'énormes investissements de la communauté européenne et ils plantent des milliers et des milliers d'hectares d'arbres truffiers et ils produisent une grande quantité des truffes qu'on trouve sur le marché français maintenant. Puisqu'on est avec les truffes, hein, ce champignon a quand même quelques caractéristiques particulières. Déjà cette odeur et cette saveur particulièrement forte. Et puis le fait qu'il faille creuser pour pouvoir les trouver. Pourquoi ? Sous terre ? On s'est demandé pourquoi certains des... Alors on a vu que beaucoup de champignons de macromycètes étaient capables de former des fructifications aériennes. Leur parasol, entre guillemets, pousse très vite, le plus haut possible pour diffuser les spores. Et c'est pourquoi certains champignons ont préféré s'enterrer. Ouais. Donc on pense que c'est pour résister à la sécheresse, pour résister aux UV. Le fait d'être sous terre, c'est un avantage pour résister aux stress climatiques, environnementaux. L'inconvénient, c'est que comment faire pour disséminer les spores de cette truffe souterraine? Ben, les truffes ont inventé, enfin, la nature, l'évolution, au cours de l'évolution. L'évolution a sélectionné, Voilà, je préfère comme ça. La capacité d'émettre des composés volatiles qui attirent les petits animaux de la forêt, les rongeurs, les cochons sauvages, qui vont venir déterrer cette truffe, manger la truffe. Les spores transitent à travers l'appareil digestif et intestinal des rongeurs et des cochons sans aucun problème. Mmh. Et puis, ces spores sont disséminés à travers la forêt. Donc l'odeur, c'est pour attirer ceux qui ont la capacité de bouger. Ouais. Ils sont malins, ces champignons. Voilà, il faut éviter l'anthropomorphisme à tout prix. Hein. La nature est d'une complexité extraordinaire et il y a toujours un mécanisme qui va se mettre en place pour permettre l'adaptation de ces organismes à des conditions nouvelles. À quel point y a-t-il une spécificité entre les arbres et les champignons avec lesquels ils s'associent? C'est-à-dire, vous nous avez dit, hein, pour la truffe, on va les retrouver au pied des chênes, des noisetiers, ce sont des arbres... Sur terrain calcaire, c'est un champignon qui est plutôt lui qui aime le calcaire, qui est calcicole. Alors, c'est un des projets de recherche qu'on développe actuellement, qui est fascinant parce que on s'aperçoit que certains champignons sont généralistes. On va trouver, par exemple, les cèpes sous des chênes, mais également sous des épicéas. Donc, c'est un champignon qui a l'air d'être relativement peu regardant sur ses partenaires. Mmh. Et puis, il y a d'autres champignons, le bolet du mélèze, lui, on va le trouver uniquement sous mélèze. Donc, on a les deux, 50% à deux tiers des champignons mycorhiziens qui travaillent avec les arbres, qui sont en interaction avec les arbres, sont plutôt des champignons généralistes. Mmh. Mais on a à peu près un tiers d'entre eux qui sont extrêmement spécifiques. C'est ce qui vous pousse à aller aux quatre coins du monde. Mais vraiment, hein, vous êtes allé en Australie, vous allez beaucoup en ce moment en Chine, vous êtes allé en Afrique également, toujours dans les forêts, étudier ces interactions. Oui, on essaye évidemment, en tant que scientifique, on essaye de trouver les grandes règles, les grands mécanismes qui animent la biologie des espèces qu'on étudie. Dans notre cas, évidemment, qu'est-ce qui fait qu'une symbiose peut s'établir entre un arbre et un champignon mycorhizien, un champignon symbiotique. Alors évidemment, on le fait depuis très longtemps en Europe ou en Amérique du Nord, mais il y a des écosystèmes complets qui sont peu étudiés. La Guyane, la forêt amazonienne, on connaît très peu de choses. La forêt boréale, la forêt d'Alaska, la forêt du nord de la Sibérie, on connaît aussi très peu de choses. Donc on est amené à vérifier les règles qu'on va essayer de décrypter sur les écosystèmes forestiers tempérés, la chênaie, la hêtraie, l'épinède française. Est-ce que les mêmes mécanismes se déroulent de la même manière dans les forêts boréales d'Alaska, dans la forêt subtropicale du Yunnan ou dans les forêts humides de l'île de la Réunion? À chaque fois, on va retrouver des grandes règles générales. Ces champignons symbiotiques sont indispensables au bon fonctionnement de l'écosystème, mais on va trouver des espèces différentes, des fonctionnements différents, des alliances différentes. Donc c'est vraiment très important de continuer à avoir ce métier de naturaliste. En plus, pour quelqu'un comme moi qui passe la moitié, les trois quarts de l'année derrière un ordinateur à décrypter des génomes, c'est toujours important de garder un contact étroit avec la nature, avec la complexité des écosystèmes. Parce que ces forêts du Yunnan en Chine que vous partez à explorer régulièrement, elles sont superbes. Décrivez-nous l'endroit, parce que c'est aussi c'est la forêt. Le Yunnan, c'est cette région de Chine qui borde le Laos, le Vietnam et le plateau du Tibet. 60% de la région du Yunnan est encore couverte de forêts. Et ces forêts sont extrêmement diversifiées. Du sud au nord, on va passer de la frontière du Vietnam, où on a une forêt tropicale, puis on aura une forêt subtropicale, une forêt tempérée, et plus on va vers le plateau de l'Himalaya, du Tibet, vers le nord du Yunnan, là on a des forêts boréales d'altitude. Donc c'est d'abord des sites extraordinaires, quand on est là en train de récolter nos champignons ou prélever des échantillons de sol, on est face à l'Himalaya, on est à 3200 mètres d'altitude, dans des forêts primaires qui ont été très peu affectées par l'homme. Sans la collaboration avec nos collègues chinois, on n'aurait pas accès à ces forêts, qui en plus sont relativement loin des réseaux routiers, donc il faut toute une logistique. Quand on est parti l'été dernier récolter 5000 échantillons de sol pour étudier le microbiome de ces forêts du Yunnan, des forêts de montagne, on était une quinzaine, il fallait 4x4x4. Et puis il faut bien voir que ce sont mes pauvres étudiants qui transportaient le matériel sur leurs épaules pour aller atteindre les sites très peu altérés par l'activité humaine. Donc c'est des occasions extraordinaires. Est-ce qu'on va pouvoir vérifier sur ces forêts primaires que les mécanismes que l'on met en évidence dans la chênaie lorraine, est-ce qu'on a les mêmes mécanismes ou pas? Alors, ces végétaux, grâce aux champignons, échangent des nutriments. Est-ce qu'ils échangent aussi des informations? Communiquent-ils entre eux? Et peut-on parler d'une intelligence des plantes? Nous allons en discuter avec vous, Francis Martin, dans la suite de cette émission. T'y connais-tu en champignons? Je suis champion des champignons de l'Allier. C'est pas moi qui confondrai l'inocybrose avec le cèpe, les tricholèmes de la Saint-Georges avec la manite du mouche. Yeah. Bad Decision, c'était The Strokes. On avait dit que si le temps se levait, on irait faire une cueillette. France Inter. Une cueillette de quoi ? De champignons. Du vent dans les synapses. Le mec qui me fera bouffer des champignons, il n'est pas encore né. Daniel Fievé. Pour moi, un arbre, c'est une antenne vivante. C'est une antenne vivante entre le ciel et la terre. Et c'est un oasis de vie. Là, on est près d'un chêne. On a évalué qu'un chêne va vivre en lien avec à peu près 250 espèces animales, végétales et micro-vies, quoi. Entre les champignons du sol, les bactéries du sol, les mousses, les lichens qui vivent sur l'écorce, tous les insectes, les oiseaux, les petits animaux, il y a à peu près 250 espèces qui vivent en lien avec le chêne. Et les arbres sont tous un petit peu comme ça. Ils ont une diversité, un accueil, un échange avec le sol, avec le ciel, avec nous. Donc pour moi, c'est ça, c'est des antennes, c'est des capteurs d'énergie qui sont à l'origine de la vie. Ils vont dynamiser toute forme de vie. Profitons-en. L'agroécologue Marc Grolimoun dans Sur les docks sur France Culture en 2014. Que pensez-vous de cette idée d'arbre antenne vivante, Francis Martin ? Parce que dans votre ouvrage Sous la forêt, vous parlez de la notion d'arbre-monde, vous. J'aime cette image d'oasis. C'est vrai que chaque arbre est un univers. Moi, j'aime bien le terme d'arbre-monde parce qu'il est utilisé souvent dans les livres d'anticipation. On voit bien que ces arbres-mondes connectent le monde souterrain et puis le monde aérien. Ils forment un lien entre les différents univers. Dans toutes les cultures humaines, il y a toujours un grand arbre qui traverse l'univers. Et les hommes sont respectueux de ces arbres-là. Et en fait, ça correspond bien à une réalité biologique et écologique. Chaque arbre est un écosystème, chaque arbre est un univers, chaque arbre interagit avec plusieurs centaines d'espèces d'organismes différents. Et il a bien dit, c'est une antenne, c'est un capteur. Toute l'énergie solaire qui est transformée par ces alchimistes que sont les arbres, qui transforment le gaz carbonique en sucre et en oxygène, ces sucres, ils sont transportés vers le système racinaire. Et de là, ils vont irriguer tout le sol, tout le milieu souterrain va être enrichi en carbone par ces arbres. Oui, alors avec parfois des connexions assez complexes, vous expliquez notamment, alors vous êtes allé à La Réunion, sur l'île de La Réunion, dans le cirque de Sillaos, vous avez observé les orchidées et vous avez vu que les champignons pouvaient jouer un rôle d'intermédiaire entre les arbres, ces antennes vivantes qui captent l'énergie du soleil et les orchidées. En fait, ils branchent en réseau végétaux. Alors en fait, c'est une image, une thématique qui est extrêmement discutée aujourd'hui, puisque certains imaginent même qu'on a un Internet souterrain, c'est-à-dire que ces réseaux de filaments fongiques, ces réseaux mycéliens, on le sait, ça a été scientifiquement prouvé, ils connectent les arbres les uns aux autres, ils peuvent connecter les plantes de la forêt les uns aux autres, éventuellement les orchidées peuvent venir se brancher sur ce réseau. On sait qu'il y a des échanges nutritionnels qui sont établis entre ces différentes plantes et arbres grâce à ces réseaux mycéliens. Ça a été comptabilisé par des collègues suisses, on est sur des chiffres relativement faibles, de l'ordre de 4 à 10% du flux de carbone qui transiterait par ces réseaux mycéliens. Mmh. Ce qui a été démontré, c'est que quand on met dans un pot, dans un système bien contrôlé, un sapin et puis un bouleau, et qu'on met un champignon sur le système, le même champignon sur le système racinaire de ces deux arbres, effectivement, le réseau mycélien de ce champignon va très rapidement connecter les deux arbres les uns aux autres, et on va voir transiter les sucres fabriqués par le sapin, passer par le réseau mycélien et atteindre l'arbre voisin. Mmh. Ça a été démontré, ça a été reproduit. Donc on a la preuve que deux arbres d'espèces différentes peuvent se transférer des sucres qu'ils ont produits. Mais dans l'un des conditions très contrôlées. Alors après, est-ce qu'ils peuvent échanger des informations autres que des nutriments ? Il semblerait que certains signaux d'alerte, quand un arbre est brouté par une chenille, attaqué par un insecte, il semblerait que certains des signaux d'alerte, certaines des hormones de stress, transitent à travers ce réseau mycélien. Encore une fois, l'existence de ces réseaux est prouvée, y compris, alors là en pot, on a démontré qu'il y avait des échanges nutritionnels entre les deux, éventuellement des échanges de signaux, mais en forêt, dans la complexité du monde, on sait que ces réseaux existent, mais on n'a pas les moyens de démontrer correctement qu'il y a bien des échanges nutritionnels et de signaux d'alerte entre ces plantes constituant la forêt. Les champignons connectent les plantes de la forêt entre elles. Celles-ci pratiquent le troc. Elles communiquent peut-être dans une certaine mesure. Alors devrions-nous changer de regard sur le monde végétal? Les plantes sont-elles intelligentes? Voici ce que répondait le botaniste Francis Allais à cette question dans le magazine De Cause à Effet sur France Culture en 2017. Mais écoutez, moi-même, j'ai mis longtemps à accepter ce mot d'intelligence. Je voudrais vous expliquer pourquoi. Je regarde dans le dictionnaire, je lis la définition de l'intelligence, et de toute évidence, elle est faite pour l'être humain. Il faut un cerveau, il faut un langage, il faut pouvoir se déplacer. Je me dis, bon, ben, dans ces conditions-là, comme j'ai été élevé dans le plus grand respect du dictionnaire, je me dis, ben, les plantes ne peuvent pas être intelligentes. Et à ce moment-là, j'ai un ami, Jérémy Narby, qui m'a dit « Attention, ne perds pas de vue que c'est un être humain qui a rédigé la définition. » Et donc, il est jugé parti. La solution, ça a été de refaire une définition de l'intelligence qui englobe tous les comportements intelligents, les nôtres, bien sûr, parce qu'on n'a pas démérité dans ce domaine-là, mais ça doit englober aussi les animaux intelligents et les plantes intelligentes. Voilà. En fait, est intelligent un être vivant qui arrive à résoudre tous les problèmes qu'il rencontre au cours de sa vie et qui le ferait mourir s'il ne résolvait pas. Francis Martin, que pensez-vous de cette réflexion de Francis Allais? Je rejoins complètement Francis Allais sur cette définition. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence cognitive humaine. Il n'y a pas de cerveau dans les racines d'arbres. Ouais. Par contre, les plantes, mais comme beaucoup d'autres animaux, y compris les bactéries et les vers de terre, sont capables de s'adapter à un nouvel environnement et à développer des mécanismes physiologiques pour s'adapter à ces nouveaux environnements. Donc oui, ils sont intelligents dans cette capacité à explorer des mondes nouveaux, à s'y adapter, à résister aux stress, avoir une certaine résilience. C'est une forme d'intelligence, mais ça n'a rien à voir. Le terme d'intelligence, tout de suite, il est tellement fort en sémantique qu'il est dangereux à utiliser. Est-ce qu'il y a un risque, quand on s'intéresse à ces arbres, à ces réseaux de champignons, de faire de l'anthropomorphisme? Je l'ai fait tout à l'heure en disant les champignons sont malins, mais est-ce que c'est une tentation, quand on est scientifique, on étudie ces formes de vie, de leur prêter nos sentiments, nos émotions? Oui, on est obligé de se contrôler en permanence, même quand on rédige nos publications scientifiques, parfois. On utilise des termes où on laisse penser qu'il y a une volonté derrière le phénomène qu'on observe. Non, il faut être très prudent. Ces formes de vie sont très différentes de nous. Est-ce pour cela que nous ne prenons pas assez en compte les effets de nos activités sur leur développement? C'est clair qu'on n'est pas conscient que sur la planète, il y a 3000 milliards d'arbres. Donc le peuple des arbres est beaucoup plus ancien que nous, 300 ouais. millions d'années. Il plus est nombreux que nous. Beaucoup plus nombreux. Ils ont sculpté notre planète. Les sols existent grâce à ces arbres, à ces plantes. Donc on devrait être extrêmement respectueux. Et j'aime bien le terme qu'utilise Francis Allais très souvent, c'est de dire ce sont des altérités. C'est-à-dire ce sont des organismes vivants, aussi complexes que nous, mais qu'on ne comprend pas. Pas plus qu'on comprendrait un alien ou un extraterrestre qui viendrait tout d'un coup débarquer sur notre planète. On ne sait pas comment parler aux arbres. On ne sait pas quel langage ils utilisent. Mais on devrait les respecter. Et malheureusement, les sociétés humaines aujourd'hui, et en particulier au Brésil, en Indonésie, on assiste à des déforestations massives des forêts primaires. Et donc là, malheureusement, des pans entiers de la diversité forestière, des pans entiers de la diversité microbienne, des espèces qu'on n'a même pas encore découvertes, sont en train de disparaître. Comment se portent les forêts en France? Il y a 2-3 ans, je vous aurais dit, les forêts en France se portent bien quand on fait le bilan. Et l'introduction de votre ouvrage qui a été écrite il y a 4 ans est plutôt positive. Les chiffres sont là. La superficie des forêts françaises est autour de 17 millions d'hectares, deux fois plus qu'il y a 100 ans. Il y a 100 000 hectares de forêts nouvelles sur le territoire métropolitain tous les ans. Donc il n'y a aucun doute avec la déprise agricole, avec l'augmentation de la teneur en CO2 dans l'atmosphère qui a un effet de serre, la quantité de bois sur pied a considérablement augmenté. Mais on sent venir un mai. Mais on observe depuis 2 ans une multiplication des dépérissements massifs dans plusieurs régions de France. Dans les Vosges, le sapin des Vosges, dans certaines vallées comme la vallée de la Dolère, qui est cette magnifique vallée qui remonte vers le ballon d'Alsace au nord de Mulhouse. 15 à 20% des sapins ont rougi et sont en train de mourir en moins d'un an. L'épicéa des Vosges, l'épicéa qui avait été planté en plaine sur les piémont vosgiens, idem, ils disparaissent à très grande vitesse, ils sont en plus affaiblis, sont attaqués par des insectes insectes ravageurs que sont les scolytes. Et même les belles forêts du nord de la région parisienne, dans l'Oise, les chênaies sont en difficulté. Et qu'est-ce Donc, qui explique là, alors toutes alors, ces difficultés? On pense que c'est le fait qu'il y ait eu 3 étés extrêmement chauds, avec des sécheresses extrêmement importantes. Et en plus, les hivers sont doux, certes, mais la pluviométrie n'est pas suffisante pour réalimenter les sols en eau en quantité suffisante. Donc cette multiplication de stress qui fait que les arbres sont tellement affaiblis qu'ils sont en train de mourir. Mmh. Alors j'espère qu'on n'est pas en train d'assister à un point de basculement. Ce que l'on prédit, en fait, nous autres, les scientifiques, depuis près de 20 ans maintenant, hein, c'est de dire, attention, le changement climatique est tel, avec l'élévation des températures et surtout la multiplication des sécheresses, que beaucoup d'écosystèmes terrestres, sous les contraintes répétées, vont disparaître. Est-ce qu'on est en train d'assister à ce phénomène-là? Je voudrais pas être catastrophiste, mais on s'interroge énormément. Donc, la communauté scientifique des forestiers, aussi bien les chercheurs que les gestionnaires forestiers de l'Office national des forêts, tous ensemble, on est en train de discuter, d'observer, pour dresser un diagnostic des mécanismes qui se déroulent. Alors, un diagnostic, est-ce qu'on peut aussi imaginer que vos recherches pourraient aider à imaginer des solutions pour préserver les forêts face au changement climatique? L'Office national des forêts, là encore, en collaboration avec les chercheurs de l'INRAE, du CNRS et d'autres organismes, essaye d'imaginer des moyens de faire vivre la forêt au cours de l'Anthropocène, cette nouvelle ère qui s'ouvre où l'humain domine complètement les écosystèmes. Il n'est pas impossible qu'on puisse aider les plantes à s'adapter à ces nouvelles conditions, mais il va falloir les aider massivement, c'est-à-dire que les arbres risquent de devoir migrer de plusieurs centaines de kilomètres en quelques années. Mmh. Et c'est pas possible, il leur faut des millénaires pour bouger et changer d'environnement. Et là, on parle de migration assistée, les chercheurs peuvent aider les arbres à... On parle de plusieurs choses, on parle de la migration assistée, donc l'ONF, l'Office National des Forêts, a un très joli programme qui s'appelle Giono, pour rappeler le livre de Giono, L'homme qui plantait des arbres. L'idée là est de planter des îlots d'avenir, c'est-à-dire un peu partout sur le territoire national, créer des parcelles avec des espèces d'arbres, des essences d'arbres qui viennent du sud, par exemple. On pourrait imaginer le sapin de Turquie s'implanter dans les Vosges, pour remplacer le sapin des Vosges. Alors les risques sont grands, parce qu'on ne sait pas du tout comment ces espèces vont se comporter dans ces nouvelles conditions écologiques. Est-ce qu'elles vont devoir transporter leur cortège de champignons associés ou est-ce qu'il faudra les aider? Il faudra les aider. Donc il y a plusieurs programmes qui se développent parce qu'on n'a pas de solution toute faite. Donc voilà, il faut faire plusieurs tests. Peut-être que dans les forêts d'aujourd'hui, certains arbres vont résister, et ceux-là, il faut les identifier. Est-ce qu'il faut des forêts avec une densité de plantation beaucoup moindre? Parce que quand même, la fameuse chênaie ou la fameuse futaie cathédrale, qu'on aime tous quand on s'y promène, il y a une telle densité d'arbres que ces arbres-là, ils pompent des quantités, ils absorbent des quantités d'eau phénoménales tous les jours. Donc peut-être qu'il faut avoir des plantations plus diversifiées, avec des arbres d'âge différents. Donc toutes ces pistes sont explorées à la fois par les collègues de l'Office national des forêts, en collaboration étroite avec différents organismes. Merci Francis Martin. Je rappelle le titre de votre livre paru chez Humaine Science, Sous la forêt, pour survivre, il faut des alliés. Un grand merci à vous et bon retour à Nancy. Merci. Dans un instant, nous partons sur la piste d'un mastodonte velu, aujourd'hui disparu, mais encore très présent dans l'imaginaire des hommes. Je parle bien sûr du mammouth. Dans l'océan, adieu la terre. C'était Super Bravo, Il n'y a plus foule sur France Inter et la programmation musicale du Vent dans les Synapses est signée Muriel Pérez. Du Vent dans les Synapses, Daniel Fievé. Cette carcasse de mammouth laineux, c'est celle d'une femelle âgée d'une soixantaine d'années. Son état est exceptionnel, particulièrement ses tissus musculaires. Nous pouvons styler. L'animal est sans doute tombé dans un trou d'eau jusqu'à mi-hauteur. Il n'a pas réussi à sortir et c'est le bas de son corps qui a gelé. Et il est sans doute mort de faim. Nous étions en mai 2013, le JT de France 2 annonçait la découverte dans le sol gelé de Sibérie d'un mammouth dans un état de conservation remarquable. Bonjour Régis De Bruyne. Bonjour Daniel. Vous êtes paléogénéticien au Muséum National d'Histoire Naturelle et vous êtes l'un des conseillers scientifiques de l'exposition Un temps de mammouth qui a ouvert ses portes au musée Arkéa à Louvre dans le Val d'Oise. Ce qui est fascinant avec les mammouths, c'est l'état de conservation de certains spécimens. Alors on en avait un exemple à l'instant, ce mammouth. Il était dans un état de conservation absolument incroyable. Oui, ce mammouth, c'était une des découvertes de la dernière décennie où le réchauffement climatique, le changement climatique a causé bien des problèmes aux très hautes latitudes en particulier, donc dans l'Arctique où la fonte des glaces s'est largement accélérée et a mis au jour de nombreux restes, dont des carcasses de mammouth, mais pas seulement, aussi des carcasses d'autres animaux, des rhinocéros laineux, des chevaux, des bisons, qu'on retrouve momifiés par le froid et donc avec un aspect, on a l'impression de les sortir du congélateur. Ouais. On n'a pas l'impression de les sortir du sol, qui ne sont pas des fossiles. Mais ils ont disparu quand, en fait, ces animaux? Ils ont quel âge, ces animaux congelés? Alors, ces tout derniers mammouths du continent, ils ont environ 10 000 ans. Juste avant un réchauffement, ou en tout cas une humidification telle de cet environnement sibérien, que l'environnement de la flore a beaucoup changé. Et à partir de là, disparition quasi concomitante des mammouths. Mmh. À l'exception de quelques petits îlots perdus, soit dans le détroit de Bering, dans la mer des Tchouks, notamment sur l'île de Wrangel, qui à ce jour a maintenu la population la plus récente de mammouths connus. Il y avait encore des mammouths sur cette île il y a 3800 ans, c'est-à-dire à une époque où on avait déjà érigé les grandes pyramides en Égypte. On se rend compte qu'à échelle d'humain, ils ne sont pas très loin. On les a beaucoup fréquentés. De fait, c'est ça. Effectivement, quand on les a dépeints dans les grottes ornées ou quand on a même gravé sur leur défense des représentations de mammouths, c'est parce que les hommes préhistoriques de la dernière période du Pléistocène les ont fréquentés au quotidien. Ils étaient là parmi les troupeaux de bisons, de rennes, pendant les périodes froides, les plus froides en tout cas des derniers 100 000 ans. Il y avait des mammouths ici. On peut envisager que sous la maison de la radio, on pourrait encore découvrir des restes de mammouths. Alors ça, c'est pas une boutade, hein, parce que l'exposition Un temps de mammouth, présentée au musée Arkéa dans le Val d'Oise, intègre des découvertes récentes faites dans la région. Et donc en 2016, à quelques centaines de mètres des pistes de l'aéroport de Roissy, donc on est vraiment dans la région parisienne, on a retrouvé des ossements de mammouths. Alors là, il s'agit pas de mammouths congelés, hein, parce qu'entre temps, ça s'est réchauffé. Qu'est-ce qu'on sait de ces mammouths et de ce spécimen qui a vécu là il y a quoi, 20 000 ans, c'est ça là, Alors celui-là, on pense qu'il a à peu près 40 000 ans. Les mammouths que l'on trouve dans la région Île-de-France, effectivement, ils sont nombreux. On en a découvert depuis plus d'un siècle, finalement. Il y a un très beau crâne, notamment le mammouth dit de Bonneuil, qui est présenté dans l'exposition Arkéa, le véritable spécimen, qui a été découvert en 1927, si je ne me trompe pas. Et oui, on en a trouvé de nombreux restes, souvent des dents, puisque c'est ce qui se conserve le mieux dans nos environnements. Cette dernière découverte, effectivement, de 2016-2017, elle s'est faite à l'occasion l'occasion des travaux du golfe de Roissy, si je ne dis pas de bêtises, et ça a permis de mettre au jour une scapula. Une scapula, c'est l'omoplate, en fait, hein, l'os de l'épaule de ce mammouth. Effectivement, c'est déjà un os relativement impressionnant en termes de taille, hein, quand, si on s'imagine l'épaule d'un mammouth, c'est assez inhabituel, et puis malheureusement, on n'a rien trouvé d'autre. Alors, par contre, on peut dater l'événement, et donc ce mammouth, il vivait dans notre région, Île-de-France, il y a 40 000 ans, dans un environnement bien différent de l'Île-de-France moderne. Comment les humains qui ont côtoyé ces mastodontes ont-ils interagi avec eux? Et pour le dire très clairement, est-ce que ce sont les humains qui ont fait disparaître les mammouths? Alors, il y a toujours eu plusieurs hypothèses à ce niveau, et il faut là encore être relativement prudent. On peut envisager que le simple changement climatique, et c'est en tout cas ma conviction de paléontologue, que le changement climatique qui s'est traduit par un remplacement quasiment complet de la faune en Sibérie, mais pas seulement, dans l'Eurasie, dans son intégralité, en Amérique également, à partir du dernier maximum glaciaire, il y a 18 000 ans, ce changement-là d'environnement, il a été suffisant pour condamner les mammouths, mais pas que les mammouths, finalement. Il y a eu un vaste remplacement dans la faune à cette période également. Évidemment, si on est archéologue et qu'on s'intéresse aux mammouths à travers le prisme de ses interactions avec l'homme, on a envie, d'une certaine façon, implicitement, que ces interactions soient suffisamment riches pour envisager que l'homme aura joué un rôle dans l'extinction du mammouth. Vous êtes sûr que c'est la bonne expression? On a vraiment envie d'être la cause de leur disparition? On n'a pas envie d'être la cause. D'une certaine façon, on aime bien être la cause explicative de plein de choses quand même. Ah, mais c'est une façon de se mettre au centre de tout. Ouais. Exactement. C'est-à-dire qu'on aimerait pouvoir replacer l'homme au centre de cette histoire. Et en fait, en Eurasie, la contribution de l'homme à l'extinction du mammouth, elle est très peu documentée. On a pu utiliser le mammouth largement pour, évidemment, sa peau, sa graisse, ses os, ses défenses. Donc, de façon utilitaire, sans doute beaucoup plus que pour se nourrir, parce que c'est un animal extrêmement difficile à chasser pour l'homme préhistorique, beaucoup trop gros, et finalement avec une peau bien trop épaisse pour être facilement percée, donc il fallait construire des pièges pour les tuer, ces mammouths. Donc non, a priori, le lien, il était plutôt un lien ponctuel. Et si l'homme a causé l'extinction du mammouth, ça sera peut-être plus du côté de l'Amérique du Nord, où effectivement, là, il y a plus d'arguments pour éventuellement envisager cette hypothèse. Ouais, alors, on ne sait pas exactement si les hommes sont à la cause de la disparition des mammouths, mais est-ce qu'il pourrait être la cause de leur réapparition? Parce qu'effectivement, en retrouvant ces animaux dans le sol gelé de Sibérie, on a retrouvé de l'ADN. En 2008, les chercheurs ont réussi à reconstituer la séquence complète du génome d'un mammouth. Il n'en fallait pas davantage pour que l'on commence à imaginer cloner des mammouths. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est souhaitable, Régis Le Bruyne? Alors en fait, certains ont commencé à envisager le clonage du mammouth bien avant le séquençage de son génome, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de séquencer le génome d'un organisme pour envisager de le cloner. Quand on a cloné Dolly à la fin des années 90, on ne connaissait pas le génome du mouton. Donc le clonage, c'est simplement transplanter, quand je dis simplement, parce qu'il n'y a rien de simple là-dedans, mais c'est transplanter le noyau d'une cellule d'un animal à l'intérieur d'un ovocyte, d'un futur œuf de ce même animal, pour bien se reproduire à l'identique. Et bien ce clonage, on n'a jamais réussi à le réaliser sur le mammouth, et il y a en fait, a priori, depuis 20 ans, avec certains collègues, on tient le même discours, il n'y a aucune raison qu'on puisse le réaliser en tant que tel, parce qu'on ne récupère jamais de noyaux de cellules de mammouth intactes, c'est-à-dire que le noyau, c'est ce qui contient les chromosomes, l'ADN, effectivement, mais que l'ADN de ces noyaux, il est en miettes. Il faut s'imaginer l'image d'un puzzle dont toutes les pièces auraient été secouées dans tous les sens. Voilà, c'est ça qu'on récupère. Et donc, ces noyaux, ils ne sont pas fonctionnels. On ne peut pas les transplanter dans un ovocyte et espérer qu'à partir de là, magiquement, les chromosomes vont se réassembler entre eux. Non, ça ne fonctionne pas aussi bien. Et est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous que ça ne fonctionne pas? Alors, le clonage ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres pistes qui ont été entreprises depuis. Et justement, c'est là qu'intervient le séquençage du génome, parce qu'aujourd'hui, avec les outils de génie moléculaire dont vous parlez parfois, ces outils de ciseaux génétiques comme CRISPR-Cas9 et toutes ces technologies, en fait, certains envisagent de réécrire le génome du mammouth en prenant un brouillon, entre guillemets, le génome de l'éléphant, c'est-à-dire prendre des cellules d'éléphant et puis de venir transformer le génome de cet éléphant en un pseudo-génome de mammouth, puisqu'aujourd'hui, on la connaît, la séquence du génome du mammouth. On l'a reconstituée. Donc, on peut pas avoir le puzzle en une seule pièce à partir d'une cellule de mammouth, mais on peut l'avoir en transformant une cellule d'éléphant. Donc, c'est ce que certains envisagent de faire. Et ça reste extrêmement problématique d'un point de vue purement éthique. Moi, je pense que c'est une grave erreur, notamment parce que les millions qu'on engloutit, en l'occurrence, ils existent, ces millions, pour les connaître, chaque année, dans ces recherches-là, ils pourraient être bien mieux utilisés à la préservation des éléphants, dont on sait qu'on perd aujourd'hui à peu près 25% des populations. population chaque année. Oui, c'est ça. Avant de faire réapparaître certaines espèces, déjà, essayons d'éviter que d'autres encore présentes ne disparaissent. Et pour en savoir plus sur les mammouths, avant de réussir à en cloner, on peut aller voir l'expo Un temps de mammouth, portrait d'un géant disparu, à découvrir donc au Muséo Arkéa de Louvre, dans le Val d'Oise, et jusqu'au 20 septembre prochain. Et Régis De Bruyne, vous y présenterez une conférence sur le thème Le mammouth sous les feux de la rampe génétique. Ce sera le vendredi 20 mars. C'est exactement ça. Et on espère, à cette occasion, et bien que le catalogue associé à l'exposition sera aussi disponible ce jour-là. Merci à vous. Et nous allons mettre toutes les informations et les liens sur la page du Vent dans les Synapses sur franceinter.fr. Merci, Régis De Bruyne. Merci à vous. Et merci à vous, amis auditrices et auditeurs, pour les messages que vous nous laissez sur la page Facebook de l'émission. On se retrouve samedi prochain à 15h pour de nouvelles découvertes. Et tout de suite, Jean-François Zigel et sa preuve par Z.